Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Pendant 40 ans, ils ont tendu l'oreille, ils ont tout écouté, les discours, les observations, les conversations, les murmures. Pendant 40 ans, ils ont ouvert les yeux, ils ont tout observé. Les déplacements, les rencontres, les amours. La police politique d'Allemagne de l'Est, la Stasi, a été créée en 1950 dans la foulée de la RDA. Des dizaines de milliers d'agents, encore plus d'indicateurs, pendant 40 ans, ont espionné tout un pays. Après 1989 et la chute du mur, la Stasi disparaît, à l'instar du régime dont elle est consubstantielle. Pourtant, la Stasi ne s'évapore pas dans le mouvement de l'histoire. Elle laisse des traces, dans les mémoires bien sûr, mais pas seulement. Car pendant 40 ans, ils ont tout noté, enregistré, retranscrit. Ce matin, si nous avons le goût de l'archive, c'est le goût amer des archives de la Stasi. Les archives de la Stasi conservent 4 millions de dossiers. 4 millions de dossiers pour une population de 16 millions d'habitants. Ça fait quand même un quart de la population fichée. Et nous allons parler des archives de la Stasi avec Emmanuel Droit, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg. Bonjour Emmanuel Droit. Bonjour. Vous êtes l'auteur de La Stasi à l'école, surveillée pour éduquer en RDA. Aux éditions Nouveau Monde, c'était en 2009, donc pour l'anniversaire de la chute du mur. Et vous allez sortir en novembre 2019, donc pour un nouvel anniversaire, Les polices politiques du bloc de l'Est à la recherche de l'international tchéquiste, en écho à la Tchéka, la police politique du RSS. Ce sera chez Gallimard, c'est en novembre. Vous allez prendre l'ensemble du problème. Et nous aurons en deuxième partie d'émission avec nous Jean Mortier, maître de conférence émérite en études germaniques à l'université Paris 8. Jean Mortier, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler d'Uschi Bröning, une chanteuse de variété, une chanteuse de jazz qui a réussi à reconstituer sa vie pour une autobiographie à partir des archives de la Stasi. À tout à l'heure, Jean Mortier. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien pour son journal de l'histoire, encore foisonnant d'une vision de l'histoire. Mais pour le moment, 30 ans après la chute du mur, nous allons aux archives de la Stasi, la police politique qui a terrorisé les Allemands pendant plus de 40 ans. Vous étiez surveillés en permanence. Nous savions tout sur vous. Surveillés en permanence ? Espionné de partout. Le protocole complet. C'est impossible. Si ça peut vous soulager, regardez derrière vos interrupteurs. On savait tout. Nous venons d'entendre un extrait du film La vie des autres, un film réalisé en 2006, sorti en 2006, et réalisé par Florian Henkel von Donnersmarck, Emmanuel Droit. Les Allemands découvrent les archives de la Stasi, entrent dans ces locaux très peu de temps après la chute du mur. Comment s'est passée cette prise de possession de leur mémoire collective ? Alors vous avez raison de rappeler que cette prise de possession des archives, un peu comme à chaque phase, chaque grande phase révolutionnaire, elle se fait à l'issue de la pression d'un mouvement de citoyens, d'une volonté citoyenne de, un, s'approprier les archives, pour, deux, se réapproprier son passé. C'est-à-dire que la volonté de savoir l'emporte sur la peur de découvrir finalement si on a été espionné ou pas. Et le processus est un processus qui part de la province à la fin de l'année 1989, à partir du mois de décembre. Vous l'avez rappelé, la Stasi était consubstantielle du régime de dictature, et après une tentative de mutation ratée au cours du mois de novembre, elle va disparaître. Et on assiste alors à quelque chose d'assez incroyable. On assiste à une disparition en ordre rangé des antennes locales et régionales, c'est-à-dire que je l'ai vu pour avoir étudié la petite unité locale de Zeitz au sud de Leipzig cet été quand j'étais aux archives de la Stasi à Halle. Certaines unités vont simplement fermer leurs locaux après avoir détruit leurs archives, fermé les armoires, fait disparaître les clés et nettoyer la cave. Et puis vous avez des grandes antennes régionales comme celle de Erfurt qui sont prises d'assaut. En Thuringe aussi, on a ce phénomène ailleurs qu'à Erfurt. Et là, l'idée, évidemment, puisque la rumeur court que la Stasi est en train de détruire ses archives, et c'est une rumeur complètement fondée, puisque à partir du mois de novembre, au niveau de la centrale berlinoise et au niveau des antennes locales et régionales, on détruit bon nombre d'archives, eh bien, les citoyens vont s'emparer de ces lieux. Et cette occupation symbolique va être à l'origine de la mise en place d'une institution dès l'été 1990 en RDA, avant même que la RDA disparaisse dans le cadre du processus de réunification. Eh bien, on a la mise en place d'une institution qui est censée permettre l'accès pour chaque citoyen est-allemand à ces archives à la Stasi. Nous comprenons bien, Emmanuel Droit, que c'est un mouvement populaire et une vraie insurrection qui fait que les Allemands de l'Est se sont emparés de leurs archives politiques et voilà qu'elles peuvent être disponibles. Qui peut les consulter? On est vraiment juste après la chute du mur, le renversement du régime. Qui peut les consulter? Il y a tout de même, j'imagine, un temps où l'on se demande ce qu'on va faire de ces archives ou elles sont tout de suite ouvertes? Bien sûr, il y a un temps très, alors à la fois très court et très dense de débats dans le cadre notamment du processus de réunification, puisque la Stasi, c'est à la fois, vous l'avez rappelé, un lieu de mémoire d'abord est-allemand, qui concerne la population est-allemande, qui a surveillé, qui s'est surveillé à l'aide de ces 91 000 agent de la Stasi, à peu près 170, 180 000 collaborateurs officieux, même si on pense qu'il y en a eu plus. À l'Ouest, en Allemagne de l'Ouest, le débat est aussi très important. Et le chancelier de l'époque, Helmut Kohl, et son ministre de l'Intérieur, l'actuel président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, était contre l'ouverture de ces archives, comme Lothar de Maizière, le dernier chef de gouvernement de la RDA. Et c'est la pression populaire, symbolisée aussi au tout début de l'année 1990 par la célèbre occupation de la grande centrale berlinoise de la Stasi dans le quartier de Lichtenberg, qui a permis finalement de faire aboutir ce processus citoyen de mise à plat du passé, avec la possibilité donc pour chaque citoyen d'accéder à son dossier personnel. Alors, ça passe tout d'abord par des recherches dans des fiches qu'on appelle le fichier F16, qui permet d'identifier notamment son dossier personnel. Et à partir de ce moment-là, à partir de la mise en place d'une loi votée cette fois dans le cadre de l'Allemagne réunifiée, en décembre 1991, on va progressivement permettre aux citoyens est-allemands d'accéder à leur dossier. Alors, avec dossier, évidemment un délai de semaines ou de quelques mois pour les recherches. Évidemment, on comprend bien, on peut accéder à son dossier personnel, mais pas à celui des voisins, des amis et de la famille, ce serait compliqué. Alors, ces dossiers sont classés, il y a un système de fiches, vous nous avez dit. C'est simple, hein, c'est classique, on va chercher la petite fiche et on ressort le dossier. Mais exact. Concrètement, quand vous allez aux archives de la Stasi, vous, Emmanuel Droit, vous connaissez bien, quand les Allemands ont découvert ces archives, qu'ont-ils trouvé? Qu'est-ce qu'on trouve dans les archives de la Stasi? Alors, ils ont tout d'abord trouvé... Une archive, c'est d'abord quelque chose de matériel. Donc, vous le voyez aussi dans le film La vie des eaux, dont vous avez passé un extrait en ouverture de votre émission. On a toute une série de dossiers, plus ou moins épais, qui peuvent parfois arriver par wagon entier, entre guillemets, en fonction de la densité de la surveillance. À ce sujet, la Stasi n'observait pas tout, n'écoutait pas tout. elle observait tout ce qui était en lien avec une personne ou un groupe donné à un moment donné quand elle avait décidé d'ouvrir un processus de surveillance. Parce que si on dit que la Stasi a tout surveillé et tout entendu, on reproduit le mythe qu'elle laissait courir, c'est-à-dire ce mythe d'une toute-puissance, ce qui n'était pas forcément le cas. Cette archive matérielle, tout d'abord, quand on l'ouvre, on tombe sur d'abord un dossier personnel, une lettre parfois qui explique l'organisation de cette archive, une sorte de table des matières, et on est tout de suite confronté, et c'est un brouillard, un mur très épais à franchir. On est tout de suite confronté au jargon de la Stasi. Votre dossier personnel, il est rempli d'acronymes, parfois au départ complètement illisibles, qui correspondent au langage professionnel de ces tchéquistes est-allemands. Et il vous faut d'abord vous appuyer sur un lexique que les archivistes ont progressivement construit au cours des années 90, qui fait à peu près une centaine de pages et qui répertorie l'ensemble des acronymes utilisés. Parce que on a tous entendu parler, évidemment, de la figure iconique de l'IM, Inoffizieller Mitarbeiter en allemand, c'est-à-dire du collaborateur non officieux, de l'indic, de l'espion, enfin du corbeau ou du délateur, celui qui vous surveille au sein de votre cercle de travail ou même parfois au sein de votre couple. Mais il y avait environ une quinzaine de catégories d'IM. Et donc il faut d'abord rentrer dans le jargon. Ensuite, une fois qu'on a franchi ce brouillard, évidemment, le choc émotionnel. Et lorsqu'on est en salle de lecture, on est mélangé avec des simples citoyens. On voit bien que les gens se contiennent, soit pour pas exploser de colère, soit ils sortent de la salle tellement ils sont submergés par l'émotion. Ça m'est arrivé de voir quelques personnes se comporter comme cela. Et bien, ils découvrent évidemment, et on le voit aussi à travers l'extrait que vous avez passé, il y a un moment de stupeur parce qu'on ne se rendait pas compte que la surveillance était si intensive et que elle touchait des personnes dont on pensait qu'ils ne travaillaient pas pour la police politique. Cette police politique, elle avait cette capacité d'être à la fois visible et invisible. Visible parce qu'on savait, dans une salle des professeurs ou dans une entreprise, que tel ou tel cadre travaillait pour la Stasi. C'est intéressant, pardon, excusez-moi Emmanuel oui. Droit, mais je rebondis sur ce que vous venez de dire. La Stasi est un objet du quotidien en RDA, c'est-à-dire que tout le monde connaît la Stasi. Il y a presque un fantasme global sur son pouvoir, en fait. Est-ce que l'on est écouté ou pas écouté? Tout le monde y songe pendant les 40 ans de la RDA? Alors, tout le monde y songe, on va dire, à partir de la construction du mur et des années 60. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux phases dans l'évolution de la Stasi. Entre 1950 et 1961, c'est un instrument de répression, de violence arbitraire, de terreur, qui vise à éliminer systématiquement toute forme d'opposition. Et la violence physique est monnaie courante, et c'est la première phase, une phase on va dire stalinienne, qui correspond aussi à l'exportation de la culture de la violence soviétique des années 30, incarnée par la Tcheka. Ensuite, à partir des années 60, la violence aveugle cède la place, elle disparaît pas complètement, hein, mais elle cède progressivement la place à une forme de surveillance de plus en plus fine, à des formes de violence psychologique. On le voit bien dans La vie des autres, hein, ce capitaine Wissler, en fait, il incarne la Stasi des années 70 et 80 avec son anorak en fibre synthétique, là, on appelait ça les Dédéons anorak en allemand. Et ces officiers-là commettent moins de violences physiques, mais ils ont cette capacité à intimider, faire peur, et avec l'aide des moyens techniques de l'époque, à surveiller très finement, en effet, les faits et gestes de telle ou telle personne ou de tel ou tel groupe. Donc la Stasi est déjà un objet culturel sous la RDA, comme elle l'est aujourd'hui. On parle du film La vie des autres, on pourrait en citer d'autres, Bye Bye Lénine, la Stasi est présente, mais déjà un objet culturel en RDA. On va écouter un chanteur, Wolf Biermann, qui chante la ballade de la Stasi en 1974. Menschlich fühle ich mich verbunden mit den armen Stasi-Hunden, die bei Schnee und Regengüssen mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten, um zu hören all die lauten Lieder, Witze, Leisen, Flüche, auf dem Klo und in der Küche, Brüder, von der Sicherheit, ihr allein kennt all mein Leid. Ihr allein könnt Zeugnis geben, wie mein ganzes Menschenstreben leidenschaftlich, zart und wild unserer großen Sache gilt. Worte, die sonst wären verschollen, band ihr fest auf Tonbandrollen. Und ich weiß ja hin und wieder, singt im Bett ihr meine Lieder. Dankbar rechne ich euch an, die Stasi ist mein Äcker, die Stasi ist mein Äckermann. Au cœur des années 1970, Wolf Birkmann, la balade de la Stasi. Si on parle pas bien allemand, on entend quand même les mots Stasi et microphone. Alors, on comprend que ça, il y a un élément de contestation très net. Bon, c'est sûr que ce chanteur a sans doute eu des problèmes, mais au milieu des années 70, malgré tout, en RDA, il était déjà possible de contester la Stasi. Emmanuel Droit, ce chanteur a dû avoir des problèmes. Oui, ce chanteur, alors non seulement il était surveillé, mais évidemment, ses positions l'ont conduit évidemment à être expulsé de RDA en 1976, à l'issue d'une tournée qu'il avait réalisée en Allemagne de l'Ouest. Ce qui est intéressant, c'est que cette chanson, elle intervient dans le contexte, en effet, d'une phase d'expansion de la Stasi dans les années 70. Et là, elle développe ses moyens financiers, elle développe ses moyens humains, elle mise beaucoup sur les collaborateurs officieux. Parce que elle a adopté la doctrine soviétique du KGB, qui est une doctrine dite prophylactique, c'est-à-dire que ils ont été tellement traumatisés. Il faut jamais oublier ça. L'une des dates fondamentales de l'histoire de la RDA, c'est le 17 juin 53. Et la Stasi a été tellement traumatisée, le pouvoir aussi d'ailleurs, mais la Stasi a été tellement traumatisée par son incapacité à la fois lutter contre le mouvement révolutionnaire, à défendre ses propres bâtiments parfois, que la stratégie qu'elle adopte à partir des années 60, c'est, via la surveillance et le contrôle étroit, d'étouffer dans l'œuf toute tentative de déstabilisation ou d'insurrection. Et cette doctrine-là, elle va s'appuyer sur le recrutement d'agents. On va chercher des profils psychologiques bien précis, on va exploiter certaines faiblesses de certaines personnes, on va faire des études psychologiques très fines sur tel ou tel candidat, on va tester les candidats pour ensuite les engager, et ça va se traduire à partir du milieu des années 60. C'est une question qui remonte actuellement à la surface à travers des documentaires en Allemagne. On va recruter des adolescents, c'est-à-dire des lycéens entre 16 et 18 ans, issus de familles loyales vis-à-vis du régime, avec l'idée que avec ces adolescents qu'on va former à partir de 16 ans, on va pouvoir avoir des agents qu'on va pouvoir suivre au-delà du lycée jusqu'à l'université, voire dans le monde professionnel. Donc il y a cette idée de mieux contrôler la société pour que cette société ne se révolte plus. Oui, Emmanuel Droit, vous avez travaillé sur la Stasi, et notamment la Stasi à l'école, comment cette jeunesse est prise en charge et fait faire de futurs agents. Mais vous travaillez également sur les autres polices politiques du Bloc de l'Est, c'est votre prochain ouvrage chez Gallimard dans un mois. La Stasi en RDA est-elle comparable aux autres polices politiques du Bloc de l'Est? Il y a une inspiration de la Cheka, la police politique de l'URSS, des différences. Vous notez comme ça des petites voix qui permettent de distinguer une police politique d'une autre? Alors, il y a en effet à la base, entre 1944 et 1950, la création au sein des futures démocraties populaires du Bloc de l'Est, de toute une série d'appareils de sécurité. Les Polonais sont les premiers, avec le soutien des Soviétiques, à se doter d'une police politique. Elles reposent tous sur la même structure et les mêmes techniques d'interrogatoire et la même culture de la violence, parce que ce sont ce qu'on appelle les Soviétniki, les conseillers soviétiques, qui viennent créer ces polices politiques entre 1944 et 1950 dans ce Bloc de l'Est. Ensuite, il y a des traditions nationales qui se développent en fonction notamment des traditions bureaucratiques de plus ou moins développées de chaque pays. En fonction aussi du niveau de compétence de ces agents, dont le niveau de formation au départ était relativement bas dans des pays comme la Pologne ou la Roumanie ou la Bulgarie. Et puis, il y a des formes de spécialisation des compétences qui sont propres à chacun. Et pour schématiser, en gros, jusqu'à la fin des années 60, le meilleur élève du bloc de l'Est, c'est la Tchécoslovaquie. Et à partir de la fin des années 60 et évidemment du printemps de Prague qui contribue à reconfigurer complètement la police politique tchécoslovaque, le meilleur élève du grand frère soviétique, c'est la Stasi, qui a cette capacité à la fois financière, technologique et humaine à venir soutenir les autres polices politiques. Un exemple précis et que les auditeurs comprendront très facilement, l'ensemble des systèmes de contrôle et de surveillance des aéroports du bloc de l'Est à partir des années 70 ont été mis en place par des agents de la Stasi. D'accord. Parce qu'ils avaient le savoir-faire. Oui, ils savaient faire. Et puis, il y a quand même une distinction évidente entre la Stasi et les autres polices politiques du bloc de l'Est. C'est que la Stasi, une fois que le bloc de l'Est s'effondre, a un rôle particulier au moment de la réunification. Et oui, l'Allemagne est le seul pays qui se réunifie. Et là, la Stasi va être utilisée comme un argument en faveur de la réunification, mais une réunification favorable à la République fédérale allemande. C'est-à-dire que la Stasi, en fait, est utilisée pour montrer que les Allemands de l'Est n'étaient pas aussi bien organisés que pouvaient l'être ceux de l'Ouest. La Stasi devient un argument de propagande. La Stasi devient un instrument de propagande, elle devient une arme mémorielle aussi qui permet, dans le cadre du champ politique réunifié, alors dans un premier temps parfois de stigmatiser telle ou telle personnalité politique, voire même de l'éliminer complètement vu la charge symbolique très négative quand on découvre que, par exemple, l'un des fondateurs du SPD est-allemand et une des grandes figures du mouvement civique de la fin 89, Böhme, travaillait pour la Stasi. Régulièrement ressort le dossier ou les soupçons autour d'une collaboration de Gregor Gysi, qui était une des grandes figures de la gauche allemande après 1990. Si vous faites une veille sur les réseaux sociaux allemands, vous verrez les thèses les plus folles circuler sur Angela Merkel, l'actuelle chancelière allemande, qui aurait aussi travaillé pour la Stasi derrière le nom de code Erika. Donc ça devient dans le cadre de la réunification, mais on le retrouve aussi en Pologne ou en République tchèque, une arme qui permet d'éliminer politiquement telle ou telle personne. Et dans l'argumentation, le fait que la Stasi était ultra puissante permet de dire que la RDA est un régime qui ne peut pas tenir. C'est ce que vous analysez, Emmanuel Droit. C'est un régime faible, puisqu'il a besoin d'une police politique puissante. Oui, c'est un régime faible dans le sens où il n'est pas légitime démocratiquement. C'est vrai que il a toujours eu besoin à la fois de la force des baïonnettes soviétiques et de la Stasi pour tenir. Il avait réussi à créer un consensus social dans les années 70, au lendemain de la chute, la construction du mur de Berlin, via la tentative de mettre en place un modèle de consommation socialiste. Et les gens, vous en avez certainement parlé hier avec Hélène Camarade, se sont un petit peu arrangés avec le régime, s'octroyant certaines niches, essayant de protéger au maximum leur espace privé. Mais ce qui est très important de comprendre aussi, c'est la manière dont les Allemands de l'Ouest et la classe politique ouest-allemande pensaient la réunification. C'est-à-dire que ça devait aller de pair avec une épuration exemplaire qui n'avait pas eu lieu, enfin c'est ce qu'on pensait au début des années 90, qui avait été un peu raté avec le national-socialisme. Et donc il fallait réussir avec le communisme ce qu'on n'avait pas réussi avec le national-socialisme. Donc il fallait pas accorder trop d'amnestie, il fallait pas mettre en place une forme de silence intégrateur qui avait permis de réintégrer les anciens nazis comme on l'avait fait dans le contexte de guerre froide. Là, il y avait l'idée que il fallait jouer la carte à la fois de la transparence et mener ce traitement du passé de la manière la plus exemplaire possible. Oui, le traitement mémoriel des archives de la Stasi correspond au cas allemand, avec effectivement la mémoire de ce qui s'était passé en 1945 et les archives du nazisme. Mais ça y est, mais nous sommes avec des archives ouvertes, elles sont accessibles au public, alors en partie selon les dossiers personnels ou d'autres choses. Écoutons Marianne Bittler, la directrice des archives de la Stasi. C'était particulièrement important pour un bon nombre de personnes de consulter leur dossier. Pour ces personnes qui ont été victimes de méthodes de décomposition que la Stasi utilisait, c'est-à-dire elle tentait de détruire ces personnes au niveau social, moral et professionnel. En utilisant des méthodes tout à fait diaboliques. Et ceci, on parvient à mieux le comprendre en consultant les dossiers de la Stasi. Troisième raison que l'on peut invoquer, le besoin de savoir à qui on pouvait faire confiance et qui nous a trahis. Je voudrais mentionner à ce sujet que depuis que cette loi a été adoptée, aucune des personnes qui a consulté son dossier ne s'est vengée contre la personne qui lui avait fait du mal. Ah, Emmanuel Droit, la directrice des archives de la Stasi, nous dit que personne ne s'est vengé. Effectivement, a priori, personne ne s'est vengé. Vous pensez que la chose peut évoluer avec les réseaux sociaux que vous avez évoqués, le fait que l'on parle sans cesse sur les réseaux sociaux de ces archives de la Stasi ? Non, je pense pas. Alors, Marianne Bittler, qui était directrice des archives de la Stasi jusqu'en 2011, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle est issue, comme le premier directeur et comme l'actuel directeur Roland Yann, les trois directeurs de cette institution archivistique qui existe encore, mais qui à terme devrait rejoindre, être intégrée au niveau des archives fédérales, viennent tous du mouvement d'opposition civique. Ils viennent de cette société civile qui a surmonté sa peur et qui est descendue dans les rues à l'automne 1989 pour défier le régime. Alors, quand elle dit qu'il n'y a pas eu de vengeance, en effet, il n'y a pas eu d'acte de vengeance personnelle à la découverte de ces archives. Après, un certain nombre de journalistes ou d'institutions sur la base de rumeurs ont quand même cherché à creuser le passé de telle ou telle personne pour des visées politiques et donc pour éliminer ou briser la carrière de telle ou telle personne. Helmut Kohl, il n'y a pas eu de vengeance personnelle, mais il y a eu à un moment de manière décontextualisée, sortie dans la presse des insinuations, soit la preuve que telle ou telle personne, alors que ça soit Lothar de Maizière, le dernier chef de gouvernement et premier chef de gouvernement de la RDA démocratique, des représentants de l'Église, vous savez, ces personnages des corps intermédiaires, des structures intermédiaires qui faisaient le lien entre la société et le régime, comme les gens d'Église, je pense à Manfred Stolpe qui fut ministre-président du Brandebourg. Dernièrement, il y a quelques jours, un député du Parlement régional du Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Weiss, a été accusé d'avoir collaboré avec la Stasi. Alors, il faut toujours, à partir de l'étude des dossiers, réussir à comprendre ce que ça veut dire, le terme collaboration. Est-ce que cette collaboration a été contrainte ? Est-ce que cette collaboration a été, en quelque sorte, subie ? Dans quelle mesure la collaboration a donné lieu à la production d'informations viables ? Très souvent dans les archives, il m'est arrivé de découvrir que la Stasi se rendait bien compte que la qualité des informations était médiocre et elle mettait elle-même fin à la collaboration parce que le collaborateur ne jouait pas le jeu ou il faisait semblant. Une autre grande figure qui a été impliquée dans une sorte de jeu comme ça de massacre, c'est la grande écrivaine est-allemande Christa Wolf au milieu des années 90, quand il a été avéré que à deux reprises elle avait collaboré avec la Stasi. Mais quand on sort le terme collaboration de son contexte et quand on jette en pâture comme ça aux médias tel ou tel nom, c'est une manière à la fois de délégitimer la personne et puis de délégitimer toute une partie de la population. Les Allemands de l'Ouest ont souvent, au cours des années 90, fait des raccourcis Et beaucoup ont pensé que finalement, ces 16 millions d'Est-Allemands, c'était une population d'espions. Ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué et à comprendre. Oui, parce qu'on voit bien que quelqu'un qui est indicateur de la Stasi pour donner des fausses informations ne peut pas être considéré comme un vrai collaborateur de la Stasi. Et pour le cas de Christa Wolf, c'est aussi le problème du temps et de la mémoire, c'est-à-dire qu'elle a pu collaborer à un moment deux fois. Cela ne signifie pas qu'elle a travaillé longtemps. En gros, cela reste des archives et il faut systématiquement contextualiser la collaboration des uns des autres. Vous considérez que ça peut être un problème, serait-ce que par le fait que ce soit le public qui a, il y a une démarche d'historien de contextualisation et là on touche sur du sensible, ça peut être compliqué pour la gestion de ces archives. Oui, c'est pour ça que le véritable enjeu, c'est de, dans les années à venir, c'est de savoir si on continue à proposer ou à maintenir une institution archivistique autonome dédiée au traitement des documents de la Stasi, ou si on considère que cette institution autonome n'a plus de raison d'être, dans la mesure où, il faut le rappeler, le nombre de demandes d'accès aux dossiers personnels font comme neige au soleil. Alors depuis la réunification, on estime qu'environ 3 millions de citoyens ont demandé d'accéder à leur dossier personnel. Et pour vous donner deux chiffres, en 2011, ils étaient encore 80 000 par an à faire la demande. Aujourd'hui, ils sont moins de 45 000. Donc le mouvement est en train de se ralentir, il est en train de diminuer, ce qui est d'une certaine manière logique. On rentre de plus en plus dans le temps de l'histoire, même si la Stasi reste un objet de mémoire chaude. On rentre progressivement dans le temps de l'histoire, de l'historicisation de cet objet, et très certainement à l'horizon 2020-2025, les archives de la Stasi devraient intégrer les archives fédérales. Emmanuel Droit, vous nous avez expliqué que en 1989 et 1990, au moment où la Stasi allait être prise et ouverte, et même avant, des dossiers avaient été détruits, tout ce qui pouvait être compromettant a disparu. Est-ce que tout cela a vraiment disparu? Il y a des documents qui sont restés, qui sont encore à exploiter, notamment des documents déchirés qu'on pourrait recoller? Exactement. Alors, on estime que la Stasi disposait d'à peu près 111 kilomètres d'archives. Et au moment de la dissolution de l'institution, la Stasi avait elle-même des archives, elle s'appelait le département numéro 12. Il y avait à peu près la moitié de ces 111 kilomètres qui avaient été déjà archivés par la Stasi. Le reste, c'était les documents qui étaient dans les armoires, dans la centrale berlinoise ou dans les antennes régionales et locales. Alors on a retrouvé les traces de ces destructions, ces sachets, avec ces petits morceaux de papier qu'on a essayé d'abord manuellement, puis ensuite à l'aide de machines informatiques avec des scanners très intelligents, on reconstitue progressivement les documents. Et aujourd'hui, on estime que 90% des archives existantes encore ont été répertoriées. Il y a encore 10% d'archives pour lesquelles on n'a pas un accès direct parce qu'il n'y a pas d'inventaire. Ça fait seulement depuis quelques années. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces archives au 2003-2004. J'ai vu la différence en 10-15 ans. Aujourd'hui, on a des inventaires pour à peu près chaque département, chaque structure centrale de la Stasi. Donc, on commence à avoir de véritables instruments de travail, mais ça prend du temps parce que, évidemment, depuis les années 60, la Stasi a été une machine bureaucratique extrêmement productive en collecte d'informations et de données. Et ben, c'est très bien, Emmanuel Droit. Ça va faire du travail pour les historiens qui ont besoin d'archives pour produire des essais comme le vôtre, la Stasi à l'école. Vous restez avec nous, Emmanuel Droit. Dans quelques minutes, on reçoit Jean Mortier qui va nous parler d'Uschi Bröning, chanteuse de variété de jazz qui a reconstitué sa vie à partir de son dossier retrouvé dans les archives de la Stasi. Et justement, on écoute tout de suite Uschi Bröning. Seltsamer Zufall. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nous venons d'entendre Uschi Brüning qui chantait « Wech ein Zufall ». Mais nous sommes surtout avec Jean Mortier, maître de conférence émérite en études germaniques à l'Université Paris 8. Donc, vous me faites un micro-cours de langue. Donc, la nuit est finie. Quel hasard ? « Wech ein Zufall ». Zufall. Merci beaucoup. Je n'ai pas fait allemand à l'école, c'est très mal. Chanson de 1967. Jean Mortier, vous venez nous parler de ce cas particulier, Uschi Brüning, qui est une chanteuse, une star de la RDA. Qui est-elle ? Elle vient de quel univers, cette femme ? Elle vient d'un milieu très modeste. Elle a voulu à tout prix devenir chanteuse. Elle a fait, et à la force du poignet, elle a réussi à s'imposer dans des groupes très masculins, parfois machistes de la RDA, pour devenir une des stars du jazz, de la chanson de variété, et puis ensuite du jazz dans les années 80. Alors, voilà. Star du jazz, ce qui est intéressant, c'est que le jazz, on l'associe à l'Ouest. On l'associe même aux États-Unis, alors que non, il y a du jazz en Allemagne de l'Est. Du jazz, si vous voulez, les jeunes comme elle, elle est née en 1947, les jeunes comme elle dans les années 60 ont l'oreille vissée sur les radios. Le poste de radio est l'objet essentiel pour les jeunes dans les familles. L'objet essentiel, parce que qu'est-ce qu'on écoute ? On n'écoute pas la radio de l'Est. Mais on écoute beaucoup Radio Luxembourg. On écoute RIAS, la radio américaine, qui diffuse sans cesse, y compris la nuit, des chansons qui viennent du show, qui viennent de Grande-Bretagne, qui viennent des États-Unis. Et les idoles de ces jeunes, les idoles, ce sont pas les chanteurs, à l'époque, ce sont pas les chanteurs de l'Est, qu'on leur impose de chanter à l'école, bien sûr, mais ce sont les chanteurs américains, ce sont Elsa Fitzgerald, ce sont Elvis Presley, première manière, ce sont Ray Charles, etc. Ce sont ça les idoles des jeunes. Alors Jean Mortier, peut-on dire dans ce cas que les choix musicaux d'Uschi Brüning vers le jazz ou la musique américaine est un acte de contestation ? Difficile à dire parce qu'elle ne se reconnaît pas comme opposante, pas du tout. Elle est entrée dans cet univers-là et elle a réussi, comme les groupes, certains nombres de groupes, à s'imposer malgré les idéologues du régime qui considèrent encore, au milieu des années 50 et même plus tard encore, le jazz comme une musique de sauvage. Oui, il y a une citation de Staline que je ne connaissais pas et que j'ai trouvée quand on préparait cette émission, que le jazz est le cheval de Troie visant à endoctriner la jeunesse d'un monde communiste sain par le biais de rythmes africains. C'est du Staline. C'est du Staline, mais en 1965, et je termine là-dessus, en 1965, un idéologue plutôt est-allemand qualifie encore le jazz de musique de nègre. Oui, donc il y a... Musique de nègre, et quelques semaines plus tard, débarque en RDA, à l'invitation de qui ? Je n'en sais rien, Armstrong. Ah. Qui va faire une tournée... K.O. pour Uschi Brüning, qui découvre enfin une de ses idoles. Absolument. Et on se précipite, les jeunes se précipitent pour avoir des places. Les places sont limitées, on fait la queue pendant des heures, à Leipzig, à Berlin. C'est une tournée triomphale. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez... le jazz devient toléré, disons. Et Uschi Brüning évolue dans des milieux, on va dire, en marge, d'avant-garde, underground, pour utiliser un mot qui n'est pas français. Non, je dirais pas ça. Underground, le terme ne s'applique pas à elle. Ils obtiennent des autorisations pour se produire dans des clubs de jeunes, parce qu'il faut demander des autorisations. Quand il s'agit de textes, il faut les soumettre. Donc... Non, underground, si vous voulez, c'est pas clandestin, parfois un petit peu, mais pas la plupart du temps. Il y a un côté officiel quand même de cette production. Et surtout, on va écouter un extrait de cette production, et aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre en quoi cela pourrait être subversif. Die Nacht ist um, der Morgen graut, du bist auf. Ich sah dir Ich hab Angst darum, dass ich dich verliere. Beaucoup de douceur dans les oreilles pour dire que cette émission est mise en onde par Père et Le Graal, la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny et les équipes de France Bleu Alsace. Dites-nous, Jean Mortier, Bruchy Browning qu'on écoute là, a jamais eu de problème avec la police politique en RDA? Ça s'est bien passé pour elle? Eh bien, écoutez, justement, c'est ça le... que je voudrais corriger ce que vous avez dit tout à l'heure lorsque vous avez dit que la population avait été terrorisée. Et Uschi Brüning fait partie de ces personnes qui n'ont pas été terrorisées par la Stasi. Elle savait sans doute, encore que ça n'apparaisse pas dans les premières pages de sa autobiographie, qu'il y avait des observateurs. Elle savait que ses conversations téléphoniques avec l'Ouest, avec sa sœur à l'Ouest, étaient écoutées. Tout le monde le savait d'ailleurs. Tout le monde, c'était un secret pour personne. Mais ce n'est qu'après coup qu'elle a découvert que des dossiers, ou qu'un dossier, ou que plusieurs dossiers avaient été ouverts à son nom, qu'elle avait sur le dos, si j'ose employer cette expression, un nombre non négligeable de IM, c'est-à-dire d'indic, qui remettaient régulièrement des rapports parfois très intimes d'ailleurs, qui prouvent d'ailleurs que l'une d'entre elles, qui a le nom de code Nina, était sans doute une proche de son entourage, voire une amie à elle. Emmanuel Droit, vous êtes avec nous pour faire écho à ce que nous dit Jean Mortier. Ça arrive souvent, ça, que des gens qui ont l'impression d'avoir une vie complètement lambda découvrent après coup, en allant fouiller dans les archives de la Stasi, qu'ils ont été surveillés. Oui, c'est tout à fait réaliste et probable. Il y avait, on l'a dit dans la première partie de l'émission, cette connaissance indirecte de la Stasi, on savait où étaient situés les locaux, on savait où ils habitaient, on les reconnaissait à leur parka ou à leur anorak. Il y avait une culture de la méfiance. Quand on téléphonait, Jean Mortier l'a rappelé, il y avait toujours ce petit clic, et on savait qu'on était sur écoute. Donc on savait qu'il fallait être prudent lorsqu'on parlait au téléphone. Mais ce qu'on soupçonne pas, et Jean Mortier l'a rappelé à l'exemple de cette chanteuse de jazz, c'est parfois la capacité de la Stasi à mobiliser ce réseau d'indics jusqu'au plus proche de la personne, que ce soit les amis les plus proches, parfois le compagnon ou le mari. Et c'est souvent à la découverte des dossiers personnels que le choc émotionnel est évidemment le plus fort. Est-ce qu'on arrive à savoir à chaque fois qui est la personne? Par exemple, Jean Mortier, vous avez dit qu'il y avait une certaine Nena. Elle n'a pas réussi à... Elle ne sait pas qui c'est. Elle ne sait pas qui c'est. Elle aurait bien voulu le découvrir, évidemment. Elle le sait au moins pour un des indiques. Et alors là, je vais encore vous surprendre. Un des indiques qui s'appelle Werner Zellhorn, qui va être recruté par la Stasi dès les années 50, dont la Stasi va estimer qu'il rend des rapports trop favorables au milieu du jazz et au monde du jazz, et donc va se passer de ses services. Il reprend du service dans les années 70. Pourquoi? Pour rendre des rapports, c'est les témoignages qu'on a aujourd'hui, pour rendre encore des rapports favorables à ces groupes de jazz. Et je vais vous citer ici un de ces témoignages, d'indique, dans un rapport de 1978, on lit dans le rapport de l'I.M. Rolle, il y a l'I.M. Rolle, il y a l'I.M. Zirkel, il y a Nina, il y en a comme ça une 6 ou 7 qui travaillent en parallèle, si j'ose dire, successivement parallèle, je ne sais pas exactement, elle ne le sait pas elle-même. Et que dit ce rapport? B, il s'agit de Brüning, exerce son métier avec passion et enthousiasme. C'est une personne saine de corps et d'esprit. Elle n'est pas engagée politiquement, elle n'a rien dit jusqu'à ce jour de négatif sur notre État. Elle écoute beaucoup de musique de l'Ouest, mais selon les témoins, elle en a besoin pour son travail. Elle est charmante avec les gens. Un rapport qui n'est que positif sur elle. On ne l'a jamais vue en état d'ivresse. Son logement, vous voyez les conditions de vie. Une pièce avec toilette sur le palier. La vie des stars en RDA n'est pas la vie des stars à l'Ouest. Absolument pas, il n'y a pas de star system. Et garnie de vieux meubles. Elle reçoit peu de visites et surtout peu d'hommes. Or que t'es... Le, l'indique en question, c'est qu'elle reçoit régulièrement dans son appartement, son logement, celui qui va devenir son mari. Elle est mariée à un autre, hein. Celui qui va devenir son mari, qui entre jour et nuit chez elle par un escalier dérobé, vraisemblablement pas. Donc il la tue en quelque sorte, cet aspect des choses, pour ne pas ternir son image. Oui, alors... Vous voyez, c'est paradoxal et difficile. La lecture de ces rapports des indiques est parfois extrêmement difficile. Exemple intéressant, Jean Mortier, de la complexité à appréhender les archives de la Stasi avec ce cas Uschi Bruning, qui avait quand même peut-être un amoureux parmi les indicateurs. Mais il est 9h52, l'heure de retrouver Anaïs Quien pour le journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors Anaïs, aujourd'hui... Partons à la belle époque. Mais on ne part pas seul, nous partons, vous, moi, et aussi avec Eugénie. Effectivement, aujourd'hui, je vous parle d'une inconnue des archives qui déchaîne les passions. Cette jeune femme de la belle époque a fait l'objet en quelques années d'un livre, d'un film d'animation, d'une bande dessinée et même d'un documentaire sur France Culture. Son nom, Eugénie Guilloux. Alors Eugénie Guilloux, oui. Pourquoi cette femme anonyme de la belle époque fascine autant ? D'abord parce qu'Eugénie est sulfureuse. Commençons par le début. Avec Manon Bril, auteur d'un petit film d'animation sur notre héroïne, pour sa chaîne YouTube, c'est une autre histoire. Il était une fois une jeune fille instruite et bien née. Par contre, sa famille se retrouve ruinée et elle ne peut pas avoir de dot et espérer épouser un mari à la hauteur de ses ambitions. Ah ouais, c'est mort, moi je veux pas épouser un ouvrier vulgos. Quoi ? Non mais c'est à qui le dit, hein ? Attends, mais comment c'est tout ça, toute son histoire et tout ? Bah grâce aux archives, notamment des archives de la police, mais aussi des lettres qu'elle a laissées, etc. Donc Eugénie ne veut pas d'un mari moyen. Et elle décide de se tourner vers... La grandeur de la vie spirituelle, le sacrifice et le dévouement de la vie religieuse. Et elle rentre au couvent. Eugénie déchante bien vite, les causes de son malaise restent brumeuses. Mais après une dizaine d'années de noviciat, elle est brutalement congédiée et se retrouve à 30 ans, c'est-à-dire vieille fille, sans situation et sans argent. Son seul trésor, cet habit de nonne qu'elle va mettre à profit dans les maisons de rendez-vous parisiennes, une variante un peu plus chic des maisons closes, en proposant des séances de flagellation en costume. Ah oui. Manon Bril propose un récit enlevé, scabreux à souhait, mais dresse le portrait d'une femme au combat pour survivre à ses propres conditions. Alors donc ça c'était la première interprétation de la belle vie d'Eugénie Guilloux. Ensuite, on aime Eugénie parce qu'on la connaît. Le premier à avoir débusqué son dossier aux archives de la police, c'est Daniel Grojnowski, qui a eu le bon goût de nous permettre de la lire en publiant ses correspondances avec la police. Elle y répond aux accusations de ses rivales sur le marché parisien, en dénonce certaines pour leurs mauvaises pratiques et devient bientôt un des indiques privilégiés du service des mœurs. On y trouve aussi tous ses alias, les petites annonces qu'elle publiait dans la presse pour se faire connaître en tant que spécialiste SFC et une carte de visite que voici. Madame Lucie Raymond, élégant appartement et pied-à-terre meublé, chambre au mois et à la journée, visible de 2h à 7h, semaine, dimanche et fête. English spoken. 54 rue de la Victoire, 2e étage, maison bourgeoise. Au dos de cette carte, une chambre bien garnie sera mise à titre gracieux à la disposition de Monsieur Lépine toutes les fois que la chose lui sera agréable. Enfin, pour Christophe Dabitsch et Jorge González, auteurs du roman graphique « Mécanique du fouet, vie de Sainte Eugénie », c'est le mystère d'Eugénie qui nous lie à son histoire. Eugénie y apparaît provocante et désespérée, une grésilédis réelle avant l'heure, bref, une putain sublime. Mais elle se réinvente toujours avec le souci de bien faire. Après son déclassement social, après sa vocation contrariée, elle devient fille de joie, puis proxénète, c'est-à-dire chef d'entreprise, et tente même de se faire enrôler officiellement en tant qu'informatrice par les forces de l'ordre. Puis, elle disparaît. Frustration de l'archive manquante, Dabitsch et González tentent d'entrevoir une vérité d'Eugénie jusqu'à l'obsession, sans jamais y parvenir. Et vous, Anaïs, vous personnellement, qu'est-ce qui explique votre affection pour cette putain sublime ? Alors, difficile à dire, mais d'après les fragments qu'elle nous a laissés, Eugénie Guilloux ne connaît pas la honte. C'est une femme au travail qui négocie sans relâche avec les institutions en présence et défend une certaine morale dans l'organisation de ses différentes entreprises. En témoigne un règlement pour les prostituées et les clients de son éphémère maison de passe qui se termine comme ça. Les dames ont la permission de donner leur adresse aux visiteurs et de les recevoir chez elles sans que la directrice puisse s'en formaliser ou réclamer la moindre commission à ce sujet. Elle conclut « Le soleil, lui, pour tout le monde, chacun a le droit d'en profiter ». Soucieuse d'être reconnue quelle que soit sa place dans la société, je suis certaine que cette notoriété posthume lui aurait apporté une belle satisfaction. En tout cas, ça donne énormément envie de découvrir cette Eugénie. Tous les liens des œuvres citées, Anaïs, dans votre journal se trouvent sur la page du journal de l'histoire, franceculture.com. Merci Anaïs. Anaïs, qui a un demain... Nous poursuivons notre exploration de la RDA avec un documentaire excellent, parce que c'est un documentaire d'Anaïs Kier. Un documentaire enregistré en grande partie à Berlin, avec des gens que vous connaissez, Jean Mortier, puisqu'il sera question du devenir de l'art et des artistes de RDA après la chute du mur et la réunification, dans lequel on retrouvera des gens que vous connaissez bien, comme je le disais, Eckart Gielen, le critique d'art, et Jacques Poumet, qui est un de vos collègues et un des seuls avec vous-même qui ayez traité ce sujet des artistes est-allemands en France, puisque c'est un tout petit champ de recherche, on peut le dire encore aujourd'hui. Donc vous êtes heureux, Jean Mortier, de découvrir tout ce monde dans le documentaire demain. Alors Anaïs Kien, faut le dire dès maintenant, vendredi, nous partons à Berlin pour une balade en direct dans les rues de Berlin. Avec Nicolas Offenstadt. Avec Nicolas Offenstadt, et nous allons parcourir la ville. Merci beaucoup Emmanuel Droit. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean Mortier. Merci à toute l'équipe qui prépare l'émission, Anne Toscaïm, Camille et Marion.